100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Juste après D-Fool, il est là, en pleine forme, au top de la forme. Salope. Ah bah ça commence fort. Monsieur Al Capote, comment va? Toujours bien, mec. Toujours bien, tu es venu avec une petite équipe. Avec une tripotée de gargouilles. Avec une tripotée de gargouilles que tu vas saluer, 25G notamment qui est là. Bisous à DJ Widim, ici présent, Widim, qui va se présenter lui-même. Widim qui est là au contrôle et qui a beaucoup bossé d'ailleurs sur le projet. Exactement. Le chef d'orchestre, DJ Widim. Oui. Les deux chefs d'orchestre sont présents ici, vont se présenter. Eh ben, on commence par DJ Widim qui est là. Eh ben, bonsoir à vous. Bonsoir. Ça va? Bah, plutôt bien. On va faire la promo Orgasmic Tape Volume 2. Orgasmic Tape Volume 2. Mmh. Voilà, Al Capote au top de sa forme. Et voilà, on est plusieurs sur les musiques. Il y a aussi Dela et d'autres producteurs HD également sur le coup. Donc voilà. Eh bien, bienvenue à vous. On continue le petit tour de table. Silicide, Butterblet, voilà. On vient soutenir le gros Al Capote, l'Orgasmic Step 2. Et dans cette merde. 25G qui est là aussi. Voilà, le fameux. Pour donner de la force au poteau. Et puis Al Capote qui est donc de retour dans les bacs. De retour de l'enfer, mec. De retour en téléchargement légal aussi, hein. Exactement, sur toutes les plateformes. On peut aller cliquer sur l'Orgasmic Tape. On est réglo. Bon, tout va bien? Toujours, mec. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps alors, Al Capote? La vie suit son cours. Ouais. Du sperme a coulé sous les ponts. Des tournées aussi. Ouais. Tournées, ouais, exactement. Quelques tournées. Retrouvez-moi à Rennes le 13 juin, mes gargouilles. Gargouilles le 13 juin, du côté de Rennes. Et puis donc ce projet, alors est-ce que c'est le dernier projet d'Al Capote? Non, c'est pas le dernier. Ah. Il y a un projet avec mon ami qui est là avec moi, Sidicide. Exactement. Butter Bullet, l'album s'appellera Ténébreuse Musique. Aidez-nous, exactement. Soutenez-nous. Ce sera pour quand alors? On le sort via Kiss Kiss Bang Bang. Mm-hmm. On a besoin de 10 000 euros. Là, ouais, on c'est un site qui est participatif. Exactement, un site participatif. On est à 5 000 euros, il nous reste 40 jours. Donc ça sent bon. C'est bien parti. Ça sent bon comme un bon fromage. Et bah donc ce sera alors quoi, à la rentrée plutôt? À la rentrée, fin de l'année? Fin de l'année, je pense. Fin de l'année, le temps de préparer un petit peu tout ça, d'aller dans le studio. Exactement. Et puis là, on va donc découvrir ce projet avec Al Capote. Découvrez, sucez, buvez, hurlez, jouissez. Coup d'envoi? C'est parti. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Prisonnier, j'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé, j'ai besoin de soleil. La pluie m'a fait prisonnier. J'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé, j'ai besoin d'oseille. Je reviens furieux, plein de propos injurieux. Encore un matin pluvieux où je croise des gamins curieux. Mais maintenant chérie, c'est intense et triste. Ma vie un grand périple, plein d'intempéries, voilà. Mon existence est comme la météo. Des joies, des déceptions, des bas et des hauts. Le moral à zéro, à Paris il caille. Un temps à se pendre, il pleut des cordes sous la grisaille. Je traverse l'averse incognito pour pas que la fête s'achève dans un comico. Ressens ma tristesse, qu'il vente, qu'il neige. Tous les jours de la semaine, c'est vendredi 13. Et l'orage s'abat sur nous, surf sur le tsunami. Et relève-toi si tu échoues, même si le ciel est. La pluie m'a fait prisonnier, j'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé, j'ai besoin de soleil. La pluie m'a fait prisonnier, j'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé, j'ai besoin d'oseille. Mon cœur t'annonce des précipitations. Si tu es à l'abri, tu as toutes mes félicitations. Les oiseaux sont partis boudés, loin du brouillard et des giboulées. Le ciel est couvert, la pluie est verglaçante. Si t'attends de voir un arc-en-ciel, chérie, reste patiente. La merde, je l'arpente au quotidien. J'écris des textes navrants en guise de testament. Regarde la météo sur la 1, sur la 2. Dans ma tête. Ce qui est sûr, c'est que mon ciel est nuageux. En Palestine, le temps est maussade. Ma brise vous fait la bise en attendant la tornade. Le ciel est gris. Et l'orage là-bas sur nos mains. Surf sur le tsunami. Et relève-toi si tu échoues. Même si le ciel et la pluie m'a fait prisonnier. J'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé. J'ai besoin de soleil. Le ciel et la pluie m'a fait prisonnier. J'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé. J'ai besoin d'oseille. C'est l'apocalypse dans mon crâne, l'anarchie en effet. J'ai faim, j'ai froid et je sors mon parapluie en été. Mets pas le nez dehors, évite le paradis enneigé. Nos souvenirs s'évaporent, gros, je vois pas d'amis s'entraider. Je vois que des gorilles dans la brume. J'en place une pour mes bestioles que la rue a pris dans ses tentacules. Catastrophe naturelle, tempête inhumaine. Je verse du champagne pour nos morts, pluie diluvienne. La pluie m'a fait prisonnier, j'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé, j'ai besoin de soleil. La pluie m'a fait prisonnier, j'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé, j'ai besoin d'oseille. Le ciel est gris. Et l'orage s'abat sur nos mains. Surf sur le tsunami. Et relève-toi si tu échoues. Même si le ciel et la pluie m'a fait prisonnier. J'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé. J'ai besoin de soleil. Le ciel et la pluie m'a fait prisonnier. J'en ai marre de frissonner. Mon sourire s'est isolé. J'ai besoin d'oseille. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. You make me feel so. Tant aimé savoir jouer de l'ocarina ou te faire doucement sourire comme la Mona Lisa. Pouvoir m'exiler au Costa Rica. Trempe pas ton piment dans n'importe quel pot d'harissa. J'aurais aimé pouvoir te dire viens se tirer à Rio. Fumer de l'herbe pure dans nos cigarios. J'aurais voulu arriver et partir à l'heure en cuir alligator. Être un navigateur, pas passer l'aspirateur. Je veux voler en montgolfière et pas finir ma vie avec une immonde sorcière. Fiston, ferme tes paupières et imagine-moi ailleurs. J'aurais pu être chevelu roulé avec des bikers. Après, papier, violet, papier violet. On essaie de changer et de s'amener. Chaque jour, on essaie chaque jour. Si j'étais pas né ici, si j'avais pas fumé, est-ce que j'aurais donné la vie? Est-ce que j'aurais assumé? Est-ce que j'aurais assuré pour ce papier violet? Est-ce que j'aurais assuré pour chaque jour m'améliorer? Les rimes sont véridiques, c'est pas du rap de menteur. Je me lève vers midi, j'ai un taf de glandeur. Viens dans mon monde et monte les marches de l'empereur. Ressens mes battements de cœur, je suis en apesanteur. Je veux voler au-dessus du sol, être en lévitation. J'aurais tant aimé faire du poney de l'équitation. Si je pouvais changer ma vie, je le ferais sans hésitation. Choisir le paradis comme dernière destination. J'aurais tant aimé être docteur, un grand chirurgien. Je n'ai pas réussi, pourtant j'y ai tellement mis du mien. J'ai raté mes études, je marchais avec des beaux gosses qui aujourd'hui ne font plus rien qu'éclater des verrues. Après, papier violet, papier violet. On essaie de changer et de s'amener. Chaque jour, on essaie chaque jour. Si j'étais pas né ici, si j'avais pas fumé, est-ce que j'aurais donné la vie? Est-ce que j'aurais assumé? Est-ce que j'aurais assuré pour ce papier violet? Est-ce que j'aurais assuré pour chaque jour m'améliorer? J'aurais tant aimé être plongeur, explorer les fonds marins ou être l'élu de ton cœur. J'aurais tant aimé être empereur. Je te coupe ta respiration, je suis un étrangleur. J'aurais tant aimé être footballeur au Stade de France, faire un tour d'honneur. J'aurais tant aimé acheter une baraque à mes parents, être un chevalier d'or comme Aldébaran. J'ai jamais voulu avoir la vie que je mène, je veux pas finir vendeur à la petite semelle. J'ai jamais voulu avoir la vie que je mène, je veux pas finir vendeur à la petite semelle. Papier, papier, violet, putain de papier violet. On essaie de changer et de s'améliorer. Chaque jour on essaie. Zouzou, Pixon. Si j'étais pas né ici, si j'avais pas fumé, est-ce que j'aurais donné la vie, est-ce que j'aurais assumé, est-ce que j'aurais assuré pour ce papier violet. L'orgasme mixtape 2 disponible, salope. Pour chaque jour m'améliorer. C'est la Nocturne et c'est Al Capote au contrôle de la Nocturne, voilà, avec le projet Orgasme Mixtape. On peut trouver un peu partout. Un peu partout, chez tous les bons crémiers, chez tous les diamantaires. Et avec deux morceaux, c'est vrai, deux morceaux dans une lignée. Dans un format qui te plaît. C'est... Tu penses ? Ouais. Mais j'aime bien aussi le Al Capote. Comme on le connaît. Le gluant. Voilà. Le Al Capote gluant, en effet. C'est. Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, quand je te disais, quand on a débuté l'émission, où j'avais entendu que tu t'arrêtais un petit peu, où tu voulais prendre du recul. Et quand on écoute ce morceau-là qui s'appelle Papier Violet, hein, qui est extrait de l'Orgasme Mixtape. Exact. Ça va un petit peu dans cette lignée, c'est voilà, petite remise en question, c'est réfléchir un peu sur le temps passé, sur... Voilà, je montre que je sais faire autre chose que les morceaux à laquelle j'habitue mon public. Morceau cru. Exactement, un morceau sans insulte. Mais il y en a, hein, il faut quand même rassurer les gens, il y en a. Hein, sur. Il y en a profusion, plus que jamais. Sur l'Orgasme Mixtape. Ça pleut. Mais pour revenir là-dessus, Al Capote, toi, quel bilan tu tires de tout ça, de toute cette expérience? Parce que c'est vraiment maintenant que tu rappes aussi, que tu as sorti beaucoup, beaucoup de projets. Exact. Il est temps aussi parfois de faire un petit peu de bilan. Quel bilan? Eh bien, le bilan, c'est qu'il faut savoir s'avouer vaincu. Et tu t'avoues vaincu? Il n'y a pas de souci. L'empereur vaincu? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vaincu? Je suis honnête avec moi-même. Vaincu en quoi? Vaincu en tout, en vente, en chiffres. C'est les chiffres qui parlent, gros. Les hommes mentent, c'est pas les chiffres qui parlent, Alka, c'est la taille qui parle. Exactement. Aussi, ouais. Mais bon, ça sert à rien d'avoir une longue bite. Il en faut une grosse et épaisse pour toucher le point G. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est une grosse massue, c'est pas un long bâton. Mais qui dit qu'avec l'orgasme mixtape, ça va pas tout faire exploser? Oh, j'en ai rien à foutre. D'accord. C'est pas mon but. C'est pas mon but. Là, qu'on des disques d'or et tout. 25 pourrait en parler, c'est pas ça qui nourrit nos enfants. Ah, non. 25G qui est là, qui a rapporté des morceaux aussi, 25G, ouais, qu'on écoutera tout à l'heure. Mais bon, Joquan est là aussi. On a pas le rap pour nourrir nos enfants. Ouais. C'est vrai, on est bien obligé de travailler comme tout le monde. On a la tête sur les épaules. Et voilà. Ça reste quoi? Ça reste une passion quand même, le rap? Voilà, c'est. Ça reste pas, ouais, une petite passion, on va dire. Parce que c'est pas une priorité. Ça passe vraiment après tout. Déjà, l'éducation de nos enfants, ça prend beaucoup de temps. Donc, le peu de temps qu'on consacre, on le consacre au rap ou au sport. Mais c'est bon, tellement beau, c'est tellement sain. Il y en a, ils ont le disque d'or et d'autres le disque mort. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et voilà le bilan, frère. Et bah le bilan, écoute, je vois qu'on a fait le tour du bilan. Al Capote, 25G, ouais. Ils sont là ce soir aussi dans le studio, dans la Nocturne 100% en français. On part sur quel morceau, messieurs? Partons sur Formule 1, Marianne, et le morceau avec Sidi Sid et Sadek, Rabat. Et bon, on va écouter ça, c'est extrait. L'Orgasme Mixtape 2. Évidemment, c'est dans les bacs qu'on peut le trouver. Toujours disponible sur iTunes et dans les bacs. Et dans les bacs un petit peu partout aussi. Pour te suivre d'ailleurs, Al Capote, il y a toujours aussi les réseaux sociaux, on peut te retrouver. Sur Twitter, @AlCapoteLeVrai. Sur Facebook, Al Capote Le Vrai. Sur Snapchat, Al Capote Le Vrai. Mm-hmm. Et sur Instagram, Al Capote Officiel. Allez faire un tour, allez vous procurer donc l'Orgasme Mixtape qu'on découvre ce soir dans la Nocturne. Marianne, 9 euros, c'est pas cher. Fantastique. Allez-y. Un. Mange pas de pain de soutenir le frère. Dédicace à Infinite. Salope, salope. Bisous à Jason Voorhees. Je suis de la Jamaïcaine et du Marocain. Et je t'aide Marianne jusqu'à ce que j'ai mal au rein. Toujours et à jamais. 1000 euros par mois, ça me rend malheureux. Et là, c'est pas assez. Je fais du bon travail et je parle peu. Le silence est d'or. J'ai trop de cicatrices sur ma legue. Je parcours des kilomètres pour un sac de bœufs. Même si je sais que t'as dulciné me veut. Je sais que tu le sais. Mon ancien groupe c'est l'unité de feu. L'U de F. L'aigle royal est dans cette putain de place. J'suis dans cette pute. Comme David Kleinfeld dans une impasse. Je roule un putain de gros bédo sur un trône. Alka, putain de pote, néo, putain de chrome. Ma clique est plus grosse, j'vais pas aller sur homme. J'insère mon spéculos dans le spéculum. J'veux étrangler Marianne avec ma liane. Purée, tu fais que sucer la fusée Ariane. Nos textes vont exciter Marianne. Nos sexes sont flexibles et maniables. Fompé bon, même si t'es maniaque. Dans mes Air Max, j'ai mis Maniax. Nos textes vont exciter Marianne. Nos sexes sont flexibles et maniables. Fompé bon, même si t'es maniaque. Dans mes Air Max, j'ai mis Maniax. J'ai toujours voulu baiser la princesse des putes. Qu'on soit le plus cher, plus cher. Ainsi que sa daronne, la reine des putes. Portus familia. À peine j'débute, t'appelles les stupes. Appelle-les, préviens-les. Si tu veux percer, va faire des tubes. J'regrette, j'aurais dû faire de longues études. Ici, pas trop de personnes m'ont déçu. Ma tenue de travail, je l'ai revêtue. Mes tortues ninja fument des feuilles de laitue. Regarde ces horribles putains veulent s'essu. Sucer, sucer, sucer. J'écris mes textes sur des feuilles de PQ. Essuyer, essuyer, essuyer. Mets du mercurochrome sur tes blessures. Mercurochrome sur tes blessures. Néochrome fournit de la cam très pure. Dans tout l'hexagone on a bossé dur. Protéger vos fémurs c'est la procédure. Je vous ai juste laissé une dernière trace. Je vous envoie bientôt ma dernière valse. Ma dernière valse. Nos textes vont exciter Marianne. Nos sexes sont flexibles et maniables. Fompé bon, même si t'es maniaque. Dans mes Air Max, j'ai mis Maniax. Nos textes vont exciter Marianne. Nos sexes sont flexibles et maniables. Fompé bon, même si t'es maniaque. Dans mes Air Max, j'ai mis Maniax. Ma mère ne veut pas avoir un pic au riche, donc je la baisse sans lui lécher le clitoris. Pour ma sécu, pas besoin de mille gorilles, je préfère mille pétasses qui viennent d'île Maurice. J'ai deux seaux à la place des couilles, amenez-moi à la gare des seaux. Je vais pas perdre mon temps, je préfère parler d'euros que parler de flow. Défaut, y'en a deux sur trois, dans le doute on met le feu sur toi. Je peux te saigner pour me baigner dans l'eau bleue turquoise. Les femmes flics, je leur offre aucune trêve. J'aime quand t'as cri comme des gyros de Ford Focus Break. Focus, focus, bang, bang, j'propulse vos culs. Gang, bang, j'm'occupe vos putes. J'la baise, après on prend une douche à deux. Elle a une bouche à pipe et j'ai une bouche à peu. Elle croit que j'l'écoute et que j'la kiffe. Elle a pas compris que j'me fous de sa gueule. Jeune, polygame et monothéiste. Mes propos dérivent lorsque j'ai bu trop de codéine. Zin, mafia comme 3-6. Mon fils fera des drive-by en tricycle. % rap français. 100% explicite lyrics. L'orgasme mixtape volume 2, cousin. C'est reparti pour un tour, bande de putains. Non, tu mérites même pas le Formule 1. Non, Alka putain de pop, DJ Weedy. Dédicace au groupe Accord. Mathieu Elzin, Néochrome, la dernière valse. Quad 9, puis Masterchef, rien de passionnant. Passionnant, l'orgasme mixtape pour réserve que du rap violent. J'écris des chansons depuis l'époque de Marie-Hollande. Suivez-moi comme le berger et ses agneaux blancs. De 3 grammes d'olan, je ne fume que du hache collant. Je roule en marmonnant des textes beaucoup trop arrogants. J'avance face au vent, de la drogue dans les chaussures. Je disparais comme Sylvain Mirouf. J'ai que des copains, des amis, ouf. On vient de voler plus de 20 kills, joue pas avec nous mon petit pignouf. C'est que Néochrome c'est une armée. Coller le micro mon pistolet. On n'a plus le temps de rigoler. Je repars en tournée cette année. J'allais repose en paix Saddam. Je posais, je m'en vais Adam. Mon équipe a enlevé ta femme. J'ai représenté mes Batman. Ceux qui marquent des buts comme Zlatan. Zlatan. Ça bomba comme Jason Statham. Al Capote et DJ Weedim. Tu sais bien que ça fait quick beam. J'suis au top de ma forme, putain. Sale salope, tu mérites même pas le Formule 1. Non, tu peux me renifler quand je sors du bain. J'élargis mes connaissances du corps humain. J'suis au top de ma forme, putain. Sale salope, tu mérites même pas le Formule 1. Non, tu peux me renifler quand je sors du bain. J'élargis mes connaissances du corps humain. J'ai la résine des meilleurs dealers. Nique ton équipe et ton entraîneur. Pleure comme Valérie, trailer, Véleur. Désolé, mais quand c'est l'heure, salope. Tu connais mon palmarès, ouais. Et tu ne peux pas tester. Tu peux passer par la test, voilà. Et m'appeler majesté. Il me faut du bidon. J'ai le soda et la rissa. J'crois pas en Cupidon comme Thomas et Nabila. Fais exploser le thermostat, encaisser la supernova. Quand tu baises avec moi, salope, tu perds trop de gras. Ça commet n'importe quel délit comme la putain de LDJ. Rien à foutre de savoir ce qui se passe sur LCI. Tu mérites pas le Formule 1, tu mérites pas le baladin. Tu mérites pas la cave à vin, tu mérites rien, t'es qu'une sale catin. A-L-K-P-O-T-E, j'fais rarement de sourire radieux. Fiston, profite à fond, j'pense pas que tu finiras vieux. C'est de la musique de mafieux, son est mixé par Mathieu. De façon tu ne feras pas mieux, si tu trahis on se dit adieu. J'suis au top de ma forme, putain. Sale salope, tu mérites même pas le Formule 1. Non, tu peux me renifler quand je sors du bain. J'élargis mes connaissances du corps humain. J'suis au top de ma forme, putain. Sale salope, tu mérites même pas le Formule 1. Non, tu peux me renifler quand je sors du bain. J'élargis mes connaissances du corps humain. Du corps humain. Français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Souvent rap bat bat. J'mélange l'or et l'argent, le shit et la beuh, la vodka et le jack. On est toujours partant, jamais grincheux. Souvent rap bat. Gros pétard de BR. Gros pétard. J'veux de la money cash et la demeure. Money cash. J'suis comme un monégasque, le mal de mer. Monégasque. Je plane et vos pétasses veulent me plaire. Gros pétasse. Frère, c'est comme des vaches, quel compte me traire. Comme des vaches. C'est l'alpha, l'oméga dans mon meusper. L'oméga. Viens te rabattre dans mon repère. Viens te rabattre. Encore un autre bédo, les taux se resserrent. Tu sais que si je perds tout, je vais me refaire. Fume, fume. Car j'ai le même regard que Roger le maire. C'est d'ici, Butter Boulette, Jérémy Delà, ça là. Je sur ton projet de merde. Projet de merde. J'ai rien vu, mec, je promets de me taire. Promis juré. Sous Sky, les gros zombies te sortent le fer. Et sodomise avec des cornes de cerf. Je me rabatte, je me fracasse. Je blague à. Relax, Max. Je sais plus ce que je dis là, je suis rapta. Rapta. Rapta. Je rallume mon choix dans le magma. Je sais plus ce que je dis là, je suis rapta. Rapta. Rapta. Je rallume mon choix dans le magma. Je mélange l'or et l'argent, le shit et la beuh, la vodka et le jack. Jack, on est toujours partant, jamais grincheux, souvent rabat, bat. Je mélange l'or et l'argent, le shit et la beuh, la vodka et le jack. On est toujours partant, jamais grincheux, souvent rabat. Jack, Daniel, au miel. Un peu sur le sol pour mes gars au ciel. J'vais me fonce des états officiels. Jusqu'à ressembler à une petite vieille. Tu veux manger quoi? Tu veux boire quoi? Tu veux boire quoi? C'est super chérie, soir on se rapta. Soir on se rapta. Pas super chérie, soir on blague pas. On blague pas. Quitte à crever d'une crise de foie. Oh, oh. C'est la crise, mais on s'en bat les couilles. Tu verses ta cheap pour mes cheese et mes rats d'égout. On arrive, pétasse, dégagez toutes. On en a plus rien à battre, plus rien à foutre. Je suis avec un pied de biche sur ton palier. Je peux pas nier, je veux pas t'épargner. Ta petite bitch me fait du pied. Elle met la main au panier. Je sais plus ce que je dis là, je suis rapta. Rapta. Rapta. Je rallume mon choix dans le magma. Je sais plus ce que je dis là, je suis rapta. Rapta. Rapta. Je rallume mon joint dans le magma. Je mélange l'or et l'argent, le shit et la beuh, la vodka et le jack. Jack, on est toujours partant, jamais grincheux, souvent rabat, bat. Je mélange l'or et l'argent, le shit et la beuh, la vodka et le jack. On est toujours partant, jamais grincheux, souvent rabat. C'est la nocturne, c'est 100% rap français avec Al Capote au contrôle, 25G aussi. Ils sont là ensemble et vous étiez d'ailleurs ensemble sur le volume 1 de l'Orgasme Mixtape. Exactement. Sur un morceau qui s'appelle L'amitié, ça coûte. Ouais, ça coûte un bras, ça coûte une burne, ça coûte un œil. Ça coûte cher. Ça coûte cher l'amitié. Ouais. Ça coûte très très cher. On va repartir sur ce morceau. C'est vrai que là, l'Orgasme Mixtape, on en est déjà au volume 2, mais il y a eu le volume 1 qu'on peut toujours télécharger légalement, Alka. Exactement. Aussi, hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense qu'on peut toujours le trouver. Tu peux tout trouver, frère. Tout est trouvable. Il suffit juste d'aller chercher et d'aller fouiner un petit peu. Voilà. Demande à Frédéric Mitterrand si tout n'est pas trop trouvable. Jusqu'au Maroc. Eh ben écoute, on ira lui envoyer un mail. Ouais. C'est attendu pas. 25, j'ai juste un petit mot sur toi, sur ce que tu prépares, sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Bah je prépare, on va dire, rien de concret pour l'instant. Je fais des morceaux à droite, à gauche, on garde ça sous le coude. Le jour où je suis motivé à faire un album ou un street album, on verra bien. Mais après, je vais pas mentir sur les dates, les trucs, ça sert ouais à rien. Tu vois, compliqué les dates en plus. Non, c'est pas ça, c'est que moi, le temps il cherche. Le temps est contre nous. Ah ouais. Comme et je t'ai dit, t'as vu, on consacre pas tout au rap. Au rap, à la musique, quoi. Voilà, donc. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Voilà. Et bah là on va quand même se replonger sur votre morceau L'amitié ça coûte. C'est Al Cap, putain de pote, 25G ouais. L'Orgasme Mixtape volume 1 toujours dispo, salope. Pas besoin d'un ami ingrat. L'amitié ça coûte un bras. Pas besoin d'un ami menteur. L'amitié ça coûte un cœur. Pas besoin d'un ami jaloux. L'amitié ça coûte un genou. Pas besoin d'un ami vaurien. L'amitié ça coûte un rein. Passager, les tatacs, je vais péter un bout de barbac. Je vais pas faire les plats et les fils de pute. Mes coumouks, fais des gosses. Toi c'est nique la caf. Je suis de speed, ratata comme Nikita. Fais du flic, au que bla et nique l'état. Koeba qui vient du bas. Pris en chasse par la queba. J'ai les crocs comme Dracula. Gros dix ça comme Copula. Pas besoin de camagra. Encore moins de copain ingrat. L'amitié ça coûte un bras. Et la mort c'est sous un drap. Muchacho, à tono en tête punto. Les rostas. Les potos font des photos. T'as des feuilles dans le feu de côte. Vas-y roule un gros choco. Et ça coup accélère ton siroco. Peu de salaire à Sissoko. Qu'on sirote d'un coup. La misère elle nous secoue. Pire qu'un coup de sol de cou. Les grosses hommes on aime beaucoup. Claque nos souches et te foutent le cœur. Et petit pour tirer tes écouteurs. Les MC font du bruit comme des scooters. Pas besoin d'un ami ingrat. L'amitié ça coûte un bras. Pas besoin d'un ami menteur. L'amitié ça coûte un cœur. Pas besoin d'un ami. L'amitié ça coûte un genou. Pas besoin d'un ami vaurien. L'amitié ça coûte un rein. Pas besoin d'un ami ingrat. L'amitié ça coûte un bras. Pas besoin d'un ami menteur. Chopper. Pas besoin d'un ami jaloux. L'amitié ça coûte un genou. Pas besoin d'un ami vaurien. L'amitié ça coûte un rein. Je nage avec les oiseaux. Je vole avec les poissons. Je tisse comme un poivreau. Salope caresse mon poivreau. À quoi bon rater l'amitié à des bons rien. On n'a pas besoin de ta pitié, mec, on va bien. Nouvel épisode, c'est néochrome, les pilotes. Que des bestioles, des microbes. Quand tu te lèves, je vais m'y dors. Al capote 25G. Sonar, place lune, Sonar, bisous à Sonar. Un méga bisou. Les gars veulent nous s'épingler. Pas besoin d'un frère qui te jalouse juste pour la célébrité. Pas le cas, putain, pote sur Skyrock, salope. A chaque coup, c'est du nunchaku, mec, c'est de la sévérité. Toujours de la sérénité, tout ce qui m'arrive est mérité. Ma meilleure amie, c'est ma couette ou ma télévision. Garde aucune image en tête, le soir j'oublie ses visions. Les pyramides sont dans cette pute. Ma meilleure amie, c'est mon pilon et mon bout de Z. CLP. Non, ma fourchette quand je suis devant mon filet mignon. Pas besoin d'un ami ingrat. L'amitié, ça coûte un bras. Pas besoin d'un ami menteur. L'amitié, ça coûte un cœur. Pas besoin d'un ami jaloux. L'amitié, ça coûte un colo. Pas besoin d'un ami vaurien. L'amitié, ça coûte un rein. Pas besoin d'un ami ingrat. L'amitié, ça coûte un bras. Pas besoin d'un ami menteur. L'amitié, ça coûte un cœur. Pas besoin d'un ami jaloux. L'amitié, ça coûte un genou. Pas besoin d'un ami vaurien. L'amitié, ça coûte un rein. Salope, ma couille, je m'attends pas à la débrouille. Tu leur donnes le doigt, ils te mangent le bras. Je crois que c'est pour ça que j'ai des moignons. Elle est hypocrite, hein. Pas devant, ils lavent les vitres. Et les rageux, pas derrière, ils crèvent les pneus. C'est malheureux. Un strap ou un trap, eh, je crois on va tous serrer la main maintenant. On va serrer la pince, hein. Hey, si tu te sens concerné par son, hein, oublie-moi garçon. M'appelle pas, j'ai pas besoin de toi moi. Pas besoin d'un ami ingrat. L'amitié ça coûte un bras. Pas besoin d'un ami menteur. L'amitié ça coûte un cœur. Pas besoin d'un ami jaloux. L'amitié ça coûte un genou. Pas besoin d'un ami vaurien. L'amitié ça coûte un rein. Pas besoin d'un ami ingrat. L'amitié ça coûte un bras. Pas besoin d'un ami menteur. L'amitié ça coûte un cœur. Pas besoin d'un ami jaloux. L'amitié ça coûte un genou. Pas besoin d'un ami vaurien. L'amitié ça coûte un rein. Chopper. Planète rap 100% explicite. Les petits rosettes, peu gifs sur Yvette. Si tu touches à ma ginette, tu vas te manger le gif direct. N'essaye pas d'imiter. On est sous copyright. C'est pour les gros pirates contre les fly émirates. On a des gueules de camionneurs, des bras de déménageurs. 25. Ouais. Le jean et des bardeurs, voilà. Basket blanche et des bardeurs. C'est le soir des camionneurs. Toute l'année en débardeur. Casse-pignier en tracteur. On a des gueules de camionneurs. Des bras des ménageurs. Qu'un seul soir c'est des bardeurs. Le jean et des bardeurs. Basket blanche et des bardeurs. C'est le soir des camionneurs. Toute l'année en débardeur. Casse-pignier en tracteur. Je représente les foulecs et les houppettes. Les lopettes font gonfler leur houppette au sport élect. Où est cette à Pouquette sur une choupette? Un poulette fait couler le mouette sur mes coucougnettes. Coup de fourchette sur le quête, sur le quête. Tu te prends une gifle direct. Oh Luquette, si tu touches à la Mariette. Tout le week-end, tout le week-end. Je suis pompette à la buvette. Tape galette sur la cuvette. Monte mon son dans ton cul-sette. Chauffeur. Les faux culs, on les déteste. Du cambouis sur le débardeur. Les barbeurs, les démerdeurs. Bagarreurs, les ménageurs. Les roublards et les chacals. Les bubards à la chaballe. Défonce tout à coup de tatane. Comme un fou qui sort de Satane. Va te singer, va te singer. J'ai le swag à Hugo Gall. Va te singer, va te singer. Ouais, j'écoute Jean-Jacques Goldman. T'as des stars, fais un gommage. On a un star, fais un collage. Y'a les stars et c'est dommage. On a des gueules de camionneurs, des bras de déménageurs. Qu'un seul soir c'est des bardeurs. Le jean et le débardeur. Basket blanche et des bardeurs. C'est soit des camionneurs. Toute l'année en débardeur. Casse-pignier en tracteur. On a des gueules de camionneurs, des bras de déménageurs. Qu'un seul soir c'est des bardeurs. Le jean et des bardeurs. Basket blanche et des bardeurs. C'est soit des camionneurs. Toute l'année en débardeur. Casse-pignier en tracteur. Claqué. T-shirt, je suis à Phuket dans mon resort. J'attends Pépère que l'album qui sort. Je suis avec 25 et qu'est-ce qu'il envie de faire plein les ciclopes. Même les chouins, on les tripote. Sirote, la vodka sirote. Bisous à Jason Voriz. Bisous à Seth Gecko. Tout le monde se baisse dans le hip-hop. Jason. On dirait la famille Milok. J'arrive en balle comme un speedboat. J'ai les gros comme un petit rock. J'ai des cœurs partout, rien comme six cotes. Le whisky pue, rien que ça pique. Bardis. Les clashs, rien qui pipote. Je suis barbu comme un ZZ Top. Punchline de Visigoth. Ramène pas ta gariguette. T'entends, j'arrive sur scène avec une galipette. Des fourrailles sur tous les MC. Pampan, c'est direct. Des fourrailles comme Bernard Campan. Des fourrailles sur les galinettes. J'arrive comme un coup de machette. Tout se vend, donc tout s'achète. Dans mon slip, c'est soirée disco. Qui veut lécher mes boules à facettes. Calage caché dans la poussette. Carnage fâché à la fourchette. J'ai pas le temps pour leur clash. Je suis dans un massage sucrète. La chatte à lucette. On a des gueules de camionneurs. Des braves, des ménageurs. Qu'un seul swag, c'est des bardeurs. Le jean et des bardeurs. Basket blanche et des bardeurs. C'est swag et des 100% rap français. Toujours disponible. Tir groupé dans les bacs. Gratovic. Quoi de neuf, Granit? Asken. Lorenzo the Butcher. Bientôt tir groupé volume 2, salope. Boum boum, démarrez les allées. Boum boum, looking de vendeur, les tatoués et balafrés. J'mange de tout, de la soucroute et du mafé. Crâne rasé et au cou la graine de café. J'ai la flemme d'aller taffer. J'ai un cheveu dans la main de Sophie Favier. Si les dit, on soit t'es troqué. On parle en Cody, on relève les lunettes au clé. On montre au Condé qu'on n'est pas drogué. Regarde mes mollets, c'est la peuple j'baroudé. Un neuf jeu sur deux, c'est pas roulé. Y'a les bleus pour patrouiller. Dans la merde, j'ai pas couillé. Mais alléluia, tu me dégoûtes comme une Hanouna. Dans le peura, trop de comiques comme Hanouna. J'ai grandi avec les Thomas, les Mouloud, les Meymouna. Arrêtez de fantasmer sur Mani et Montana. Si t'arraches le Kesta d'une mamie, c'est la Chouma. T'étonne pas si les stars te font danser la Rumba. Sors la chevrotine si tu croises Pumba ou Alouja, on tape tout le bras comme le gang de la Honda ou les Yakuza. Bouseur Yabouza, bouseur Yabouza. Illuminati, j'bouffe que des samoussas. Envoie une trica comme TSK ou Sofitel. Il me faut mon Rica, ça me fait rouiller nos vitelles. Ouais, mon Gilles, vaut mieux que tu ranges ton opinel. J'ai une patate virus pour niquer ton logiciel. Méfie-toi de l'ours qui dort. Perçu Dark Vador, j'ai touché deux points G, c'est ça que t'adores. J'ai une tête à s'acheter des sacs Dior. Tes chaussures, c'est des Gucci ou des Gucciottes. DMC, pour les durs, mais c'est des fiottes. Tu supportes pas la tisse, bah boîte la flotte. Même tes disques, même Saint Gilles, laisse pas son froc. Jamais, il est qu'à qui tu te frottes. Fais un vœu comme Aladdin, t'es une chouin. Ça fini, ça fini au paladin. Arrêtez vos baratins, paye ton grec, fais pas le radin. J'suis Ricky Rosette, de fleurs et Michon. J'ai des trous dans les chaussettes, ça t'a mis les jetons. Pour l'État, on est des jetons. L'air est bas dans les pochons. Les cabas aiment les cochons. Rapila, Mesquina n'a pas de shampoing. T'as une carrière, mais t'as pas de point. T'as les feuilles là, mais t'as pas de joint. Tu fais la carrière, mais y'a pas besoin. T'as la chasse pour ton queba, pris en chasse par la queba. Fort péré, la queba de la Mondeo. Écart bas, tu comptes jamais du déo. D'amido, faut refaire la déco dans les ghettos. Écrico, faut s'éclater sur Kedro. Suis Kurtman et Tekeli. Mélange pas les queutas, les bikinis. Quand t'écart pas de Camille, le cheddar dans le panier. Nos pécanes sont en île. Mal de man, on est écrit. Si tu flippes sur ton churine, dans mon chip j'ai de la taurine. Tape une tweet avec Corinne. Les MC n'ont aucune rime. Musique. C'est la Nocturne, Al Capote, 25G au contrôle de la Nocturne. Ça, c'est un morceau qu'on peut trouver, hein, celui-ci, 25G. Ouais, hein. Toujours. Hein. Toujours. Dans le, la compil tir groupé. Tir groupé Néochrome. Néochrome, voilà. Il y a la 2 qui est en préparation. Route 66, le nom Route 66, vous pouvez voir le clip sur YouTube. Sur YouTube. Allez faire un tour, allez cliquer. Tu, voilà. Alka, tu voulais nous présenter quelqu'un aussi autour de la table. Je voulais vous présenter quelqu'un d'important. Jokwan, le chef. Jokwan, celui qui a sorti les compiles Ombre de Choc. Bah, il va se présenter lui-même. Jokwan, on t'écoute. Si, si. Bonjour Fred. Ça va? Ouais, ça va. Moi, c'est Jokwan, 91 Ivry Pyramide. On a fait volume 1, volume 2. Exact. Et avec Al Capote, on prépare le volume 3. Voilà, c'est ça qui tenait à vous annoncer, le volume 3. Ah, donc il y aura un volume 3. Ouais, le volume 3. Et on a pareil une date approximative. Je sais que les dates, c'est non, compliqué. Mais vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux. Il a plusieurs réseaux sociaux. Il a Instagram, il a Twitter, il a Facebook, il a tout. On tape quoi? Juste Jokwan? Jokwan le chef. Jokwan le chef. J-O-K-1. Ombre de choc. Et vous trouvez. Exactement. On va attaquer le live dans quelques minutes. C'est parti mon kiki, c'est partout mon zizi. On y va tout de suite. Quand tu veux. Vous êtes chaud? Bah je sais pas où il dit, mais il faut juste qu'il aille au platine. Et on peut donc attaquer ce live maintenant. C'est comme ça qu'on fonctionne, l'Orgasme Mixtape volume 2 toujours disponible. Dans la nocturne 100% rap français, vos messages aussi, Al Capote 25G. Ils sont là au micro, DJ Widim est en train de s'installer. On est là pour vous servir, comme Micheli. Prêt messieurs? Si. C'est d'ici. Julius. Aïe. Prêt, c'est bon? Ok, chopper. Parfait. 1, 2... Ah, le cas, putain de pote. Ouais, ça est dans cette pute. Un. Je veux mon restaurant, comme la fille à tout. Je peux aller partout, j'ai de la famille partout. Je t'électrise comme Pikachu. Et je fidélise tous les petits jaloux. Super ninja fou, nique les homos farceurs comme Eli Kaku. Je mets ma capuche et j'évite la foule. Levez vos verres dans le bistrot. Je m'en branle du notaire et de la lispo. C'est dans les ovaires que je vise gros. Je flingue comme Robert De Niro. Néochrome clique les pyramides, on est toujours là où ça sent le fric. Que des piranhas chérie, ne m'attends pas, je traverse l'Atlantique. C'est toujours néochrome dans tes oreilles, c'est intemporel, c'est un grand bordel. C'est maintenant que Jonathan mène la danse, c'est navrant, j'ai 20 ans d'avance. Comme un fantôme gère, j'ai la bonne dosette, le Charlotte Hornet, j'argole trop quel, je charbonne trop mec. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura d'autres. Orgasme Mixtape, je baise Oprah Winfrey, Margot Baliverne. Représente les quinfris de Paris, cocaïné, viens me localiser. Je traîne dans le 9-1 toute la nuit. Mec, je t'épate, enfant de pute, hein, ton sang épate. Retiens mon blaze, A-L-K-P-O-T-E, c'est la base. Ne sois pas triste, ma belle. Salope. Si j'apporte que des mauvaises nouvelles. Salope. Ici, on encule Patrick Bruel. Aïe. Au fond de toute petite ruelle. Je suis plus dark que Daniel. Zouzou. Et même que cette pute de Mireille. Pixel. Mauvaise nouvelle, je suis infidèle. Colo. Salope, c'est officiel. Je doite la vie quand j'ai envie d'elle. Doite. En plus, elle sait que je suis ambidextre. Elle le sait bien. Vas-y, chérie, en selle. Tu sais que ça va être démentiel. Je suis trop précis comme Steve Austin ou Joe Pesci ou Stylo Big. Je sais, t'apprécies mes facétiques. T'hallucines et ta femme aussi. Tous les soirs, c'est le feu d'artifice. Y'a pas d'espoir, je suis maléfique. Machiavélique comme Orange Mécanique. Je prie l'apocalypse. Ouais. 25, j'ai... Ok, Al Capote. Orgasme Mixtape, volume 2, salope, 25G. Aïe. Aïe. Relax, Max. Ok. 25G dans la place. Aïe. 25G dans cette pute de place. On fait raf, Fonkan B. Dans la cam et le dobé. Trop de gagans sont tombés. Sous l'emprise de l'alcool. Prends pas prise, t'as pas de bol. Cicatrice d'un bad boy. Aïe. One à one, l'étrangleur te prend go. Mais si je meurs, j'offre mon sexe à Erwan en cadeau. T'as gainage sous capot, pour farage à capot, c'est le carnage. T'as pas de peau, c'est le ghetto. La calage te dit cave sous le paletot. T'es un lâche, tu te dis brave, tu parles trop. On éclate au C4, la G. On fait rap, Fonkan B. L'Orgasme Mixtape, volume 2, salope. DJ Widim. C'est parti mon kiki. L'Orgasme Mixtape volume 1. L'Orgasme Mixtape volume 2. La nocturne spéciale Orgasme Mixtape. DJ Weed. Aïe. Voilà. Néochrome clic. Sus pute. Voilà. Butter boulette. C'est lui. DJ Weed. 25G à cap. Ouais. Donc. Si. Ok. What 9, puis Masterchef, rien de passionnant. L'orgasmique state vous réserve que du rap violent. J'écris des chansons depuis l'époque de Mariolande. Suivez-moi comme le berger et ses agneaux blancs. 2-3 grammes de lente, je ne fume que du hash collant. Roule en marmonnant des textes beaucoup trop arrogants. J'avance face au vent, de la drogue dans les chaussures. Chose promis, chose due, je me casse très loin de vos impostures. Je disparais comme Sylvain Mirouf. J'ai que des copains, des amis, ouf. On vient de voler plus de 20 kills, chnouf. Joue pas avec nous, mon petit pignouf. C'est que néochrome, c'est une armée. Et le micro, mon pistolet. On n'a plus le temps de rigoler. Je repars en tournée cette année. Charles Lacropose en paix, Saddam. Je pose et je m'en vais, Adam. Mon équipe va enlever ta femme. Je viens représenter mes Batman. Ceux qui marquent des buts comme Zlatan. Ça bombarde comme Jason Statham. Al Capote et DJ Weedim. Tu sais bien que ça fait quick beat. Le rap français, c'est juste un truc de branleur qui perd la main. J'ai sûrement un grand cœur, mais putain, faut que j'en bute un. Ok. Sidi, ténébreuse musique. Yo. Quel break de bâtard. Ok. Ok. Le rap français, c'est juste un truc de branleur qui perd la main. J'ai sûrement un grand cœur, mais putain, faut que j'en bute un. J'fume de la beuh des Pays-Bas, j'augmente un peu son PIB. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. J'te cuisine et j'prends du poids, appelle-moi Maïté. J'suis pas prêt de m'arrêter comme Johnny Hallyday. Au rap français, si tu savais. Tout le mal que je vais te faire. Ouais. En été comme en hiver. Bien préparé. Prêt pour la guerre. Rap bipolaire. Spectaculaire. J'suis asthmatique. Mais je n'en pas d'air. J'suis venu avec ma clique de malotru. Si je sors ma bite, c'est pour te faire mal au cul. Oui, je suis bien ce genre d'individu. Je tire dans un cohiba, puis dans tes attributs. Aïe. Ok. Je suis bourré, je suis timbré. Je suis bourré, je suis timbré. Ta bourrée va valdinguer. Ta bourrée va valdinguer. Les baltringues vont baltringuer. La monnaie, il faut coffrer. 25G vont risque coffrer. Faut teaser le riche coffé. Regardez le riche qui fait. Il a tiqué sa petite féfé. Les bras bas, ils sont gonflés. J'suis nourri au tandoori. El Calmos, tes pastos sont tétanos. J'suis 50 du Calvados. Le fusil à portée de main dans le jamos. Sans le matos, les outils du mécano. Jette un mec chalot. Mes rivaux n'ont pas le niveau. Fantastique mais de chalot. Aïe. Aïe, 25G. 25G. DJ Weedim. DJ Weedim est dans cette pute. DJ Weedim est dans la cuisine de l'enfer. Voilà. Ok. Néochrome, clic, clic, clic, clic, l'orgasme mixtape volume 2, l'orgasme mixtape volume 1. Ombre de choc est encore disponible. Memento Memory est encore disponible. Okay. Salope, sus. Aïe. Ok. Donc, j'porte des sapes trop nettes, pas de salopettes. J'fume depuis l'époque de la savonnette. J'envoie des sales roquettes sur la comète. Mais qu'on n'est pas aux States, j'éclate vos têtes. Toujours une larme qui coule sur ma pommette. De la drogue, des armes sur ma pochette. Pas besoin que tu viennes me taper la causette. Non. Mec va tirer l'alarme ou la sonnette. J'fourre des pom-pom girls, des majorettes. Ça fait pom-pom bang, j'suis malhonnête. J'ai une grosse boulette dans ma chaussette. Salope de rappeur, t'as la grosse tête. J'en ai rien à foutre que vous m'aimiez. Je ne sors pas des disques pour régner. Être artiste, c'est un putain de sous-métier. Je rappe même les dimanches, même les jours fériés. bouffe mes couilles, ouais, vas-y, bouffe mes pieds. Là-bas, vos lèvres comme un boule terrier. Moi-même, je sais pas ce que je vais faire de moi. Je pense qu'à manger du fromage tête de moine. Pour tous les mangeurs de chaussées aux moines, bande de putains. L'orgasme mixtape volume 1, ainsi que la volume 2 est disponible. DJ Woody est dans cette pute. Butter Bullet est dans cette pute. La nocturne spéciale. Yeah. Alka putain de pote. Demolition.fr. Ah. Ah. Sid. Ok. Alka DJ Woody. C'est continue, mec. L'orgasme mixtape volume 2. Ok. Je suis reparti, mec. 1. Lyon. Miel. Miel. Un peu sur le sol pour mes gars au ciel. Au ciel. Je vais me foncer, c'est officiel. Pixon, Pixon. Jusqu'à ressembler à une petite vieille. Salon, hein? Salon. Tu veux manger quoi? Tu veux boire quoi? Tu veux boire quoi? C'est super chérie, soit on se rapte. Ah, Joquan. Pas super chérie, soit on blague quoi? Quitte à crever d'une crise de foi. Hein, c'est la crise mais on s'en bat les couilles. Salope, du Versace salope. Pour mes jeans et mes radis. On arrive pétasse, dégagez toutes. On n'en a plus rien à battre, plus rien à foutre. Je suis avec un pied de biche sur ton palier. Je peux pas nier, je vais pas t'épargner. Pas, salope. Ta petite bitch me fait du pied. Petite bitch. Hein, elle met la main au panier. Nos défaites. Oublions le rasmet, le doyon. Consomme du lourd pilon. Perdu dans le tourbillon. Soudoyon, des millions. Très net, bah voyons. Faut faire nos ablutions. Au paradis, nous irons. Nos défaites, oublions le rasmet, le doyon. Consomme du lourd pilon. Perdu dans le tourbillon. Soudoyon, des millions. Très net, bah voyons. Faut faire nos ablutions. Au paradis, nous irons. J'ai beaucoup d'ennemis dans le rap, mais je les fuck. Je veux m'enfuir d'ici parce que tous c'est des lops. La chata, Selma Hayek ou de Cruz, Pénélope. Produit illicite dans cuir en peau, bébé fuck. Aigle Royal, Balafré, tout comme Franck Ribéry, sale salope. RDV devant le franc, prix d'Evry. C'est la nuit que mes pus. T'as devant, pire sévice, trop de police dans la ville, on est en Tidekis, DG Pro, annulé, mon pote faux, assuré, je fume un gros, calumé, pour mon co, t'as de fumée, du sanco, agulé, bois le whisky, au goulot, cagoulé, pas de bêtises, ou tu te feras engueuler, mec je t'éclate la gueule, et je vais à Naples. S'il faut je défonce la porte, ou je la scie à la meule. Je traverse pluie, diluvienne, à l'arrêt, mi-julienne. Pour les épicuriens et les épicuriennes. Je suis fils de Pimpsy, Cile de Sicile. Maigrichon et triste, on m'appelle Sad Boy, Slim Tari, maigra, vos rip t'admire ma rhétorique. C'est ces calomnies, je m'arrache en Batmobile. Sur Skyrock, salope. Vroom vroom badaboum. Droit dans le mur. Rien à foutre. Salope, salope. Mon rap est critique et mystique. Mystique. Le tien est critique, c'est triste fils. C'est triste fils. Bébé. Mon cœur est glacial. Bébé. Comme iceberg slim. Bébé. Mon œuvre martiale est rarissime. Jérémy Delà. Un genre de spartiate génialissime. Exactement. On m'appelle Pimpsy Sid. Smoke some bitch, c'est nous les rois des souterrains authentiques. Voilà. J'suis très loin d'aller bien d'être romantique. Mais comment pourrais-je bien faire autant de fric? Aïe. L'orgasme mixtape 2. Ok. Ok. Allez, on termine cette merde. Terminons ça. DJ Widim. DJ Widim. Voilà. L'orgasme mixtape volume 2. Donc fume, fume. On se laisse plus faire par ceux qui ont le bâton. Mec du fume, fume, fume. Fume, fume, fume. Fume, fume. Fume, fume. Ok. On se laisse plus faire par ceux qui ont le bâton. Mec du bitume qui fait des sons de maçon. J'ai un sombrero, je suis le sombre garçon. Je porte que du vrai, pas de contrefaçon. Façon. Façon. Façon. Façon. Façon, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Hein. LKPOTE, c'est moi le patron. Tous ces nouveaux rappeurs, ça vient que je suis leur daron. Je peux pas relever tout le nombre d'affronts. Je vais te sodomiser sans qu'un coup du savon. Je passe que par derrière, même si ça sent pas bon. Pendant des heures, tu boufferas mes macarons. Vas-y, suce bien si tu veux prendre du galon. J'encule les reptiliens et tous les pharaons. J'ai un long couteau, un tout petit canon. Il te reste qu'à prier Dieu et lui demander pardon. Quand je parle d'unité, sortez les napperons. Je suis comme Bruce Lee dans la fureur du dragon. John Travolta dans Opération Espadon. J'ai les yeux bridés comme si je vivais au Japon. Consomme du pilon, je ne prends pas de cacheton. Rouler un joint d'herbe avec un fil carton. Salope, salope. Néo Chrome Click, Orgas Mixtape Volume 2, salope. Alka, putain de pote sur Skyrock, c'est pas tous les soirs. Yeah. C'est le retour du côté obscur, porte mon côté au cul. Apprécie quand on t'ausculte, salope, c'est mon côté occulte. Les rappeurs sont tous de grosses putes, leurs hucs sont très peu robustes. Désolé si ça t'offusque, salope, c'est ton côté inculte. Bonnet posé sur la tête comme Adi Bizi, tous adeptes de mon flow critique. C'est pas du rap mais de l'arithmétique, t'es pas content, va lire Agatha Christie. J'suis le fils de Pimsy, un genre de chat de butler blanc. Intransigeant, c'est vrai que j'aime pas trop les gens. Salope, salope. Petite pute, Google moi. Google. Tu n'en trouveras pas deux comme moi. Vas-y, oui. Google nous. Butter, poulette, poulette, prouve. Je vis dans Mila, tous les coups. Fais comme ou protège ton cou. Coucou, c'est nous comme Christophe de Chavannes. Hein, tu vas tellement mouiller que j'ai besoin d'une planche à voile. Yeah, tu croyais t'imposer, c'est pas gagné. On a les idées larges, mais pas autant que le trou du cul de Ruquier. Ouais. Exactement. Voilà. C'est. L'Orgasme Mixtape Volume 2. C'est comme ça qu'on fonctionne, salope. Alka, putain de pop. Pour tous les amateurs de films porno, MMM 100, JM, DJ, okay. J'aime bien Michel, j'aime bien Jackie, je vous extermine comme un nazi, puis je m'agenouille sur un tapis, avant de finir comme à Benghazi, je cuisine la coco bain-marie, sur la planche j'ai du pain rassis, j'ai les dents jaunes et plein de caries, des sans-abri j'ai la sympathie, j'attire les sirènes, les pucelles, les sorcières, chez Jackie et Michel. Tapis dans le maquis à Paris, les racismes salissent l'épiderme. L'empereur c'est le proviseur, le fumeur et le gros teaser. Baiser pendant des heures, je vais me transformer en sodomiseur. J'ai du cœur comme l'abbé Pierre, je veux le beurre et la laitière. Je veux le caisse et la caissière, de mes penchants je suis pas très fier. Admire les pixels chez Jackie et Michel. Ça nique des dizaines de racli et minettes. Consomme pas qui est fines herbes comme Jay-Z et Eminem. Quand je pose, je rends classique les mixtapes. Suceur, l'orgasme mixtape volume 2, ouais. Dédicace à mon poteau la caillasse. Ouais, ouais. Suce, pute. On te baisse bien fort, même si t'es pas d'accord. Ouais, ouais. Rafale de balles dans ton corps comme à Pearl Harbor. À la vie, à la mort, c'est les copains d'abord. Exact. De bâbord à tribord, on ne perd pas le nord. Suce. On traîne dehors, tard le soir on sort. Comme Esteban Ziata, on cherche l'or. On cherche de l'or et les bijoux de la Castafiore. J'avoue, je baiserais bien Laetitia à Castafiore. J'arrive en force, t'as besoin de renfort. J'suis juste un sale gosse, élevé à Bloodsport. JCV. Dans le fond, j'suis un chic type, les autres sont fictifs. Aïe. Clic, clic, c'est vite dit. Voilà, j'ai mille vies, bitch, j'suis comme Emile, oui. Emile. Super méthodique quand je viole la rythmique. Gentil n'a qu'un œil, demande à Slick Rick. Mon flow est christique, l'ambiance est mystique. Cassé. Ah. Ok. Aïe. L'ambiance Facio. Est mystique. Dédicace à Facio, dédicace à Cassé. Dans la ville, faut tout ken. Donne les os à ton tchoukel. Toute l'année, je suis en week-end. Nique la weed et la Henken. Mort bourré, je suis Walegen. La dégaine à Hulk Hogan. Gabarit d'un hooligan. J'aime les femmes, je suis polygane. Mauvais joueur, je suis un gagnant. Les bravas d'un gros catcheur. T'inquiète pas, je suis un tchatcheur. Y'a Garba et j'ai pas peur. Il fait fuir l'éducateur. J'ai le charisme d'un dictateur. Dans le peur, y'a trop d'acteurs. Je suis trop gros pour ta saxo. Aïe, je suis trop gros pour ta saxo. Ouais. Méga Joe, squatte les coins sur dos. On tes doigts et on te sécale le dos. Aïe, aïe. 25G, putain de merde. Dieu. Aïe, un capote. Bien sûr, 411, 411 000, Evry, nombre de choc. Monochrome, okay. 1, 2, ici, ici. Tous les départements. France, dites tes phrases. Ok. Jack sauce, quelle sauce. Ouais. Ouais. DJ Weedo. Jack sauce, quelle sauce, maillot ketchup. Pour les mecs comme moi, y'a pas de job. J'me bute la tête comme Bob. Fuck le monde, y'a trop de lady bitch, négro. J'suis toujours là posé dans ma thèse. Négro, tu me connais, y'a trop de mecs qui nous détestent. Fuck le monde. J'suis ici avec Al Capote en improvisation 25G. Yes. Négro, on est Al, on est venu ici pour tout niquer. Négro, j'enlève mes nets, lui. J'crois j't'ai foncé, mais j'suis net. J'ai vu ta meuf nue sur internet. Négro, j'plaisante, va te suicider, négro, arrête pas. J'suis ici, c'est pas le paradis comme Vanessa. Négro, je suis ici en train de fumer mon putain spliff. Ça, négro, putain, kiffe ça. L'album Al Capote, négro, toujours disponible. Négro, ma gueule, toujours yes. Disponible, mon frère. Un, ok. Un, Sidi, Sidi, Sidi. Al Capote, l'orgasmic step 2 est dans les bacs. Ténébreuse musique est en préparation. On va faire mouiller vos caleçons. Un, ok. Un. Yeah. Un. Tu voulais venir chez moi faire une bouffe, écouter de la musique jazz. Tu vas juste repartir bredouille avec quelques petites tâches. Que des trucs bien salaces quand Sidi passe à l'acte. Machala, cesse donc la mascarade. J'suis toujours sur mon 31 comme Ulysse. Mais très rarement dans le rouge comme un communiste. Souvent ivre et hilar sur du Herbert Léonard ou du Hervé Villard. C'est pour mes cerbères, mes honnards, salope. Hein, j'suis tout sauf raisonnable. Non, j'aime pas les mélodrames. Non, j'suis là depuis mélomane. J'élimine les minables. J'ai la rime formidable. On trouve dessus avec nos grosses bagnoles. Tu vas finir avec la même tête que les Bogdanov. Polo golf dans la Polyakov. Cocktail Molotov. C'est la catastrophe. Hein? Non mais là. Yo yo, ouais. Yo yo, Kickson. On de choc. On de cette musique. Brrr. Ouais. Ouais. Parle-moi d'amour, je te parle de haine. Parle-moi de paix, je te parle de guerre. Chez nous, la vie n'est qu'une chaîne. C'est pour ça qu'on t'est maçon derrière. À force d'arracher vos barrières, youf, je reviens jamais en arrière. Faut faire plus mal que la veille, leur casser le coccyx en roue arrière. Sans la languette, un gros 9-2. Je trouve le sommeil, un gros joint de bœuf. J'évite la cheese, je préfère le sport. Casser des bouches, c'est mon terrain de jeu. Sur le ring, à chaque crochet, c'est le décel pour les youf. Ils sont tous endettés. C'est pas des punches de merde qui sont gravés. Mets ta tête dans du marbre, t'es bon y rester. On parle de Star System, you vois. C'est pas ce que j'aperçois. Non, j'rigole devant ces j'bêtes. J'rigole devant ces j'bêtes, you vois. Hein, ok, hein. Haute scène musique, pas fini. Et l'échauffement. Hein, ok, XONE. Hein, ok, ok. Ce fils de pute, on parlait sur moi, mais dis-moi ça dure et combien d'années. Dans leur équipe, y'a que des grosses putes qui font les youf depuis plusieurs années. On charbonnait quand ces vieux bouffons tenaient les murs. Hors les terminales sud, Montpellier, Boulogne sud. Traîner des rapides qui peuvent te casser le fémur. Mettre une balle dans la nuque pour rechercher mes thunes. Que Dieu permet, je te fais test sur le crâne avec un Glock 17 sous le manteau. J'ai peu de rêves, je veux des euros qui t'avancent jusqu'à mes 60 balais des kilos. J'aime peu faire la fête, je vais accrocher leur tête sur les murs de mon salon. Pour une steak ou des dettes, y'a v'là les traites. Donc ma folie a ses raisons. Ma folie a ses raisons. C'est leur sang que nous buvons. Sur la tête de ma mère, je suis resté le même. J'ai mes principes et mes dictons. Je me suis démerdé sans piston. J'serai la fierté de mes fistons. Je réponds jamais aux questions, au poste, silence et dors pendant la cuisson. Au scène, musique, gang, sache que personne nous pèse. Le biceps, apopée, par balle militaire. Guerrier, arme de l'Est, caché sous le siège. Je veux Gates, lâche à allô, pèse. Ouais. Hein, bombe de choc, ya ya. Ah, de Gilles Bolette à la mairie. Evry, pyramide, si si. C'est la famille. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Passe, passe le mic, ouais. Trace, trace ta live. Pour ces pultras qui racontent ma live. Sans force et physiquement je pourrais tous les mettre à zeler. Je me suis retrouvé dans la thèse, tard la nuit à zoner. Grâce à Dieu je me suis raisonné. Dans ma tête mon heure a sonné. Pour Ismo je suis venu rafaler. Pour Six Six je te fais du salé. On est calibré nous. On veut du ralice des sous. Les petits pains on découpe. Pour pour les servir dans des fours. Comment ça se passe le check-out? Les amigos au placard, même faites péter le mitard. Vers chez nous ça se couche tard, à la recherche de l'euro, toujours posté dans le blocos. Avec mes rames sous mes négros, ce soir ça se passe au studio. Invincible le logo, Aja cherche à l'ispo. Bla bla bla dans ton dos, bla bla bla dans ton dos. 22-22 je me fais ski, Yama Akawasaki. Dans la tête tout est permis, nique sa mère les interdits. XONE, Colo, Zouzou, on est Al. 1, 2, 3, ok Al, capote et eux. MC ferme ta gueule, t'as aucun rythme. Pour te mettre la tête au carré, pas besoin d'algorithme. Ouais, ouais, ouais. Quinto Makouya, 28 000, trop cher. Aïe. Check ça. Ah. Ok. MC ferme ta gueule, t'as aucun rythme. Pour te mettre la tête au carré, pas besoin d'algorithme. On peut ratocorer, j'tâte pas d'algorithme. À 4 pattes sur un son torride. Sous Witch Marine sur une plate de Procari. J'rapporte tout mon 28 000 carats, faut que ce soit carré. Dans la cabine, 87 kills de puff au mètre carré. Comment tu peux connaître tes limites si tu prends jamais aucun risque? J'parle pas de faire une pute à la Elton Paris. La bif est pas le moine, l'homme c'est fier au charisme. Depuis que j'ai quitté Paris, mais va d'avec cette merde qu'on roule. J'pourris tout comme une sale carré qu'elle a et qu'attend sa couronne. Sur l'instrumental, j'me balade, balade. Rien à foutre qu'elle soit banale. Aïe. Les yeux rouges écarlates, lâche ta malade, lâche des morceaux de malade. Salope, salope. Orchestre, le cours parade. Mon flottage, les douilles imparables. J'me suis fait un mental de para, mais là j'place toute ma race dans le bras. J'attends pas que t'en pérasse, encore là avec mes gaz. Côté la rue comme des races, mais des races. Sous des connards, coméras, troisième date, toutes les caméras, les coméras sur les terrasses. Kento donne tarif, dangereux, discret comme un coup de canif. Ma plume salive à l'idée que j'arrive. MC quoi que tu dises, moi j'm'en fous de ta rive. Ouais, ouais, ouais. Tu te zoom ma couille. Yeah, yeah. L'orgasme mixtape volume 5. Dédicace à Phil l'aiguille. Dédicace à Zizani. Dédicace à Phil l'aiguille. C'est parti mon kiki. C'est partout mon zizi. Pour mon gars. J'suis comme Bruce Willis dans un cassable. Cassable. Dans ce foutu rap, j'suis imbattable. Ajoute-moi sur Instagram. Et procure-toi ce produit inflammable. Savoure les faces de l'infâme Mac. J'éjacule que sur les Instafams. Mets tout le matos dans un cartable. Représente Paris, ne fin Paname. Salope. Ouais. Tu t'es senti super avec tes bandits vulgaires. Joue pas en remplaçant mais en titulaire. Faut se repentir sur terre, pas comme Francis Huster. Al Capote dans le périmètre. Dans ce putain de rap, j'suis un périmère. Putain. Salope, salope, l'orgasme mixtape, volume 2. J'arrive plus à me relire, j'suis tellement défoncé, Fred. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Hein. Merci à vous tous en tout cas pour cette session. Merci Al Capote. On rappelle que l'orgasme mixtape est dans les bacs. Je compte sur toi pour jouer ça un peu tous les vendredis, mec. Distiller un peu ma merde. On va distiller tout ça, hein. L'orgasme mixtape. Quelques gouttes chaque vendredi. Ça suffit, une goutte ou deux chaque vendredi, mec. Ça 25, j'ai été dans la maison aussi ce soir. Si, si, Fred. Il y avait Sidi avec nous aussi. Voilà. Cap, putain de pote à Skyrock. Butter Bullet à Skyrock. Butter Bullet. Il y avait Joquan. Il y avait Pixon. Il y avait Zouzou. Il y avait Colo. Oui, oui, oui. Il y avait Widim. Il y avait le PTPFG. 25G, Pixon. Il manquait Bifty. Phil l'aiguille. Zizani. Il manquait Rismo. Un gros bisou à Rismo. Un gros bisou à Sigour, Studio Bunker. Et merci à Widim qui était au contrôle des platines aussi. Widim avec son projet. Un nombre de choc. Ouais, il y a Infinite. Dédicace à Infinite. Dans les bacs aussi. Dédicace à DJ Widim. C'est très chaud. Et ben merci à vous tous. En tout cas, bienvenue à toi, Fred. De nous avoir accordé du temps. L'orgasme mixtape volume 2, toujours disponible. Et on attend la suite. Merci à vous les gars. Ciao, merci. Ciao, ciao. Ciao. 100% rap français. Allez, c'est reparti dans la nocturne. Son 100% rap français. Furtif, 9-2. Furtif. C'est dans la nocturne. 62. Dédicace furtif. C'est chaud dans la ville, tout le monde est indécis. J'ai fait des choses dans ma vie, souvent d'imbécile. Ferme un peu ta chatte portée par deux missiles. Un œuf dans chaque pièce de mon domicile. 10 piges de placard pour un homicide. Trop vaillant pour se porter sur le suicide. Laisse aucune empreinte arrachée à l'acide. Tu biffes ta grand-mère et ta cousine. Tu biffes ta grand-mère et ta cousine. J'passe comme un chinois, j'passe comme à l'usine. Bouteille de vodka, bloc de résine. MP3 de guerre, micro-usine. Putain chef de guerre, comment russer. Travaille les haters, travaille comme russer. Fanny qui est ta mère, c'est le square ici. Fanny qui était mort, on pète le score ici. Rafale dans ton pit si tu connais. Marche avec des kids, marche avec gros bonnet. Pas ma poids dans le vide, mon heure a sonné. Pas ma liquide, pas ma grosse monnaie. Gros, j'en peux, j'ai un peu de paille. Mer toute bleue, où tu veux que j'aille. J'ai pas besoin de faire mes bails. 7,62, la taille de mes balles. C'est chaud dans la ville, bah ouais, m'aurais mon disque de platine. Bientôt je l'aurai. 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville, bah ouais, m'aurais. C'est chaud dans la ville, bah ouais, m'aurais. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. 7,62, 7,62, 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville, bah ouais, m'aurais. Missile exo, touché, précis. Version réelle de celle décide. SM, Scud, Samoud, Thomas. 11-43 collé à l'estomac. Duco, Jean Hart, placard, coma. Balance, fuyard, bâtard, trauma. Cagoule, capuche, ganté, trou noir. Équipe Bresson reprend pouvoir. C'est chaud dans la vie, tout le monde s'en bat les reins. On veut le bif, du fait t'as le bif du terrain. Punition expéditive sur un R1. Missile exocète d'un sous-marin. 9 mm dans la paire de Louboutin. 6 mm, laisse ça au putain. 7,62 mon premier hit urbain. 11-43 je vais au turbin. Rejoins le shit, lunettes Versace. Je fais du chiffre, ils font que j'écarte. Ta maman sniff, je fais la dépanner. Calage renif, aucun épargné. Si vous baisse, depuis des années. Du bif, du baisse, des grandes chaînes d'années. Pas de pute, pas de yes, dans ma sombre armée. Du shit, la scène, dans nos sombres allées. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurais. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. 7,62, 7,62, 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurais. C'est chaud dans la ville, bah ouais m'aurais. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. 7,62, 7,62, 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. 7,62, calage doré. Mon disque de platine, bientôt je l'aurai. C'est chaud dans la ville. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Dioxyde. Dioxyde. À deux clics. À deux clics. Je suis à deux clics d'être une star, à deux clics d'être au star, à deux clics d'être enfermé, il est trop tôt ou trop tard, à deux clics du désespoir, comme Ratox au mitard, qu'un pas de clope dans les fouilles, ce qu'on consume c'est l'espoir, à deux clics de pointer, au chômage c'est dommage, à deux clics de me faire buter, collatéraux sont les dommages, je suis à deux clics de clasher, ces deux rappeurs fortunés, après s'être fait enculer, se sont fait autotuner, je suis à deux clics de moi-même, défoncé je suis plus le même. Si je sais que c'est haram, l'alcool ça tue la hamem. On me conseille de rester calme, j'en suis loin d'être à même. Je dois survivre à mes drames, ma clique doit rester la même. Je suis à deux tweets d'être côté, mais bon, je dois rester le même. Qu'on me retrouve pas dans des clips, man, à caresser des clips. Je suis à deux clics d'une bavure, je dois faire du Jean Arc, ça urge. Vu que mon âme est impure, je pratique le rap comme une purge. À deux clics d'être fauché, je perds mes sous au quinté. Comme un pauvre portefeuille esquinté. Je suis à deux clics d'une prison. Vu qu'un braco je vais tenter. J'assumerai comme Houston. Donc on trinque à la santé. À deux clics de me barrer. La réussite c'est mal barré. On me boycotte sans arrêt. Pourtant je tape dur comme un taré. À deux clics de m'égarer. En apnée je fais un arrêt. Vite vite faut que je me taille. Avant de faire un cardiaque carré. À deux clics d'être cramé. À deux clics d'être fané. À deux clics de chômer. C'est normal on s'en bat les yoku. À deux clics de les fumer, fumer, à deux clics de les brûler, brûler, à deux clics de les mêler, mêler, normal, on s'en bat les yokou, à deux clics d'être cramé, cramé, à deux clics d'être fané, fané, à deux clics de chômer, chômer, c'est normal, on s'en bat les yokou, à deux clics de les fumer, fumer, à deux clics de les brûler, brûler, à deux clics de les mêler, mêler, normal, on s'en bat les yokou, à deux clics du succès, tes potes veulent te faire saliver, j'suis validé par la street comme les Gaulois valident à l'idée, nique l'état, les meufs, les condés, j'suis en chien, j'mène une vie de canidée, tant que j'ai pas pris mon fécal, j'me lève le matin, j'ai des salités. J'suis à deux clics de les clics-clics. Les gens, j'peux plus les sentir. Vie amère sans sel, on vit comme dans les hôpitaux. À deux clics de quitter le ghetto, qui me reverra pas tôt. Croquer la vie à pleines dents, c'est un rêve, on l'a plus chico. À deux clics de les choquer, dans l'optique de les vider. Tous vont se suicider, j'aime la vie, t'as pas idée. Le rap, c'est indéterminé. animé, je préfère travailler en CDD. Le clash me fait mirbeau, je peux même pas écouter un CD2. Perdu, j'aime broder, à deux clics d'une OD. À deux clips qu'on me crame, obligé de te parler en codé. À deux clics de mes thèmes, la sermie m'a allumé. Pas de feu sans fumée, je suis à deux clics de les fumer. À deux clics de me barrer, la réussite c'est mal barré. On me boycotte sans arrêt, pourtant je tape dur comme un taré. À deux clics de m'égarer, en apnée je fais un arrêt. Vite vite faut que je me taille avant de faire un cardiaque carré. À deux clics d'être cramé, ramé. À deux clics d'être fané, fané. À deux clics de chômer, chômer. C'est normal, on s'en bat les yeux. À deux clics de les fumer, fumer. À deux clics de les brûler, brûler. À deux clics de les mêler, mêler. Normal, on s'en bat les yeux. À deux clics d'être cramé, ramé. À deux clics d'être fané, fané. À deux clics de chômer, chômer. C'est normal, on s'en bat les yeux. À deux clics de les fumer, fumer. À deux clics de les brûler, brûler. À deux clics de les mêler, mêler. Normal, on s'en bat les yeux. À deux clics d'être cramé, ramé. À deux clics d'être fané, fané. À deux clics de chômer, chômer, c'est normal, on s'en bat les yeux. À deux clics de les fumer, fumer. À deux clics de les brûler, brûler. À deux clics de les mêler, mêler. Normal, on s'en bat les yeux. À deux clics d'être cramé, ramé. À deux clics d'être fané, fané. À deux clics de chômer, chômer, c'est normal, on s'en bat les yeux. À deux clics de les fumer, fumer. À deux clics de les brûler, brûler. À deux clics de les mêler, mêler. Normal, on s'en bat les yeux. À deux clics, Dioxyde dans la nocturne, 100% rap français. Monsieur Blackjack des Démocrates est de retour. Le son est maintenant à écouter dans la nocturne 100% rap français. Planète rap. 100% rap français. Démocrates des. Devine qui revient. Blackjack. C'est Démocrate des qui revient. Qui revient. Devine qui revient. C'est Blackjack. La jeunesse en pense, la jeunesse en pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent, les monnaies cash flow. Regarde ce que la jeunesse en pense, la jeunesse en pense, pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. Attaque, attaque. Je m'adresse à ceux qui me comprennent mieux. Quand je parle aux jeunes, bien sûr ils me prennent pour vieux. À ceux de m'en décider quand est l'endroit de la force. Force. Au point d'apporter un gun et tirer sur son prof. Stop. Aussi court les nerfs, fait que les gamins n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Au détour d'un bloc à peine, ils pigent, ils vendent du shit. Si tu me connaissais, tu serais étonné de ma vie. Maintenant j'ai des gosses, une femme, une famille, plus d'amis. Mon quotidien rime en minutes, aux simples cloches de la pendule. Il suffit d'être vendu pour être évidemment suspendu. La jeunesse en pense, la jeunesse en pense, pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. J'arrive vertu en smoking, je préfère porter chapeau melon. Du rap français, je suis le king. Ma tête est grosse comme un melon. C'est rare de grand standing sans perdre bien sûr quelques millions. Donc le 6 sur la mise pour éviter toutes ces flûtes, ces violons. Je bénéficie de sa voix immense. J'ai dû me préserver dans l'abstinence. J'ai dû quitter pour devant cette violence. Pour retrouver l'honneur de mon enfance. Oh, du taf pour du cash. Cash, cash. Back pour du gâchis. Gâchis, gâchis. Pacte avec dash. Dash, dash. Mais je ne se détache pas pour les tâches de guerre de coups de hache. Hache, hache. Je garde lui ma classe. Classe. En quittant la casse. Ce qu'on cherche, c'est du taf. Taf, taf. Boum, boum, boum, clat. Clat. Devine qui revient. La jeunesse en pense, à part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent, les monnaies cash flow. Regarde ce que la jeunesse en pense, la jeunesse en pense, pense. À part que les jeunes préfèrent faire beaucoup d'argent. Quand tu prononces mon nom, Blackjack.

quand les mots saignent et que le silence m'oppresse. Une force en moi se déchaîne, je fais face et je me dresse. Et je me dresse. Je déguise mes chaînes juste pour que cela cesse. Le roi a perdu sa reine, la liberté ma détresse. Tout se bouscule dans ma tête, besoin de recul. Je ne suis plus à la fête, je suis dans ma bulle. Tout se bouscule dans ma tête, besoin de recul. Je ne veux pas prendre perpète sur le bitume. Comme un rêve qui s'efface, derrière ces mots qu'est-ce qui se cache. On s'énerve, on se fâche, mais dis-moi qu'est-ce qui se passe. Comme un rêve qui s'efface, derrière ces mots qu'est-ce qui se cache. On s'énerve, on se fâche, mais dis-moi qu'est-ce qui se passe. Semble on est plus fort et bêté. Rêve qui s'endorme, cherche la paix dans ce désordre. Cette vérité qui prend forme. Encore, ils parlent que de sexe et de forme, de caisse de youporn. Mais dites-moi qui les informe. Encore, c'est toujours la loi du plus fort, de l'oseille sans effort. Mais dites-moi qui les informe. Qui les informe. Marchand de rêve. C'est dans la nocturne. Comme un rêve qui s'efface, derrière ces mots qu'est-ce qui se cache. On s'énerve. Dédicace à Momo dans la nocturne. Mais dis-moi qu'est-ce qui se passe. Comme un rêve qui s'efface. Oh Momo. Derrière ces mots qu'est-ce qui se cache. On s'énerve, on se fâche. Mais dis-moi qu'est-ce qui se passe. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. La crime, ça arrive dans les bacs. C'est la crime. C'est quoi? C'est la frappe. C'est Ripro. Ouais. Ça vient du Nerkan. Tout game est un 4 pattes. Si toi, on vit faire que de la frappe. Les corps me veulent comme toi. Fils de pute, je suis sous-raté. La juge et les stupes m'ont raté. Si les trois, je sais piloter. Mais c'est la crème éculottée. Frère, tous les feux sont verts. Molly, dans son verre. Tu la viscères, avant de sucer jusqu'en enfer. Je compte le zèque, c'est mon ami. Y'en a dans ma rue, dans mon jardin et dans mon lit. La VPC, ouais, mon frérot. Je n'ai pas pris la bonne décision, j'appelle le prix. Tous les jours, le fils c'est le nerf de la guerre. Tous les jours, l'oseille que tu crames tous les jours, il n'ira pas. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. Autour de la table, sans billets verts. Chargé sur le périph. Bullshit, c'est mon délire. Dans le café, mon billet de 500 et ma tirelire. Chez moi les petits sont tous vénères. Veulent pas taffer pour 8 heures ou de l'heure. Valide cash à 3006. T'as pris 12 000 en un quart d'heure. Dis-moi pourquoi vous lavez la lumière. Si t'es comme un aveugle dans la nuit. Donner son cul ou ses su. Moi ça n'est pas mon avis. J'ai dépensé toute ma vie. On n'est pas des crevards. C'est que du papier. On est des hommes. L'argent nous sommes on le fait. Voler la vie possible. Ouais mon frérot. Je n'ai pas pris la bonne décision, j'appelle le prix. Tous les jours, le fif c'est le nerf de la guerre. Tous les jours, l'oseille que tu crames tous les jours, il n'ira pas sans terre. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. Le coup de la table, sans billets verts. Billets, couleurs, dans la rue, douleur. Un rêve, de l'argent. De l'argent c'est un bonheur. Assez, assez. Je sors les champs derrière les classés. Charbon, charbon. J'ai le cœur chaud, le sang glacé. C'est pas ton ventre en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. J'ai tout tes billets en l'air. Le coup de la table, sans billets verts. J'ai tout tes billets en l'air. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Cosy. Fuck ton pote, fais de l'oseille. Tu sors du star, fais de l'oseille. Tu veux le gamos, fais de l'oseille. Pour la mi-fa, fais de l'oseille. Le rap après, ton rappeur préféré, même pour un coup de boost. Télécharge ma RHE, puis fais le BD par Bluetooth. Ton équipe de nuit ou des vampires, moi je ne sors que Naboutou. À l'africaine, dans ta soirée dansante, ton cinéma arrive en boubou. À mort à tous ceux qui pensaient que le 9-2 était en modèle. J'ai des poupées vaudou, gris-gris, juste pour calmer vos motets. Tous les confrères qui font le sale boulot, respect, casse-tête. Si tu portes un gilet pare-balles padique, je viserai sur ta tête. Prends le bon de ouest, je ne peux pas t'aider. Ferme ta gueule, écoutez, encaisse. Pilote, on est à divers. On fait de thunes été, automne, hiver. Je reviens car j'ai bien visé. Gamos, gros stars dans le viseur. Niama, y'a des gagnants, pas de douceur. Dédicace au mec, quand je t'affronte les pointeurs. La posture n'est pas ma d'habitude. Jaloux, tu ne peux que détester. Et ton c'est des thunes, faut te dépêcher. Curé, on va t'apprendre à pêcher. Les MC marchent le froc baissé. Et leur met des coups de CP. Tu lèches des chats ou des OCB. Là c'est dur mais nous on s'y fait. Faut que le reste des gros fait d'oseille. On peut faire d'oseille. On peut faire d'oseille. Nord, sud, est, ouest, on a faim d'oseille. Je viens de voir que j'ai bien visé. Gros stars dans le viseur. C'est des canons pas tous heures. Fleury, fais ta salle au pointeur. Faut que le reste des gros fait d'oseille. On peut faire d'oseille. On peut faire d'oseille. Nord, sud, est, ouest, on a faim d'oseille. Je viens de voir que j'ai bien visé. Gros stars dans le viseur. C'est des canons pas tous heures. Pile pas, fais ta salle au pointeur. T'as du bif aux yeux des biches, tu deviens beau. La vérité marche à pied, j'en ai rien à foutre de ton lambeau. A la mémoire de mes ancêtres, je vais tous me les faire à la Django. Dans l'équipe, ça joue les millionnaires, mais en vérité, c'est des gros charclos. Des boulets chroniqués, déterminés, lorsqu'on j'écharre le cargo. Flo, flo, détermine les hanches, dis qu'en français, je t'achève en argot. Plus de grâce, président, c'est du peuple pour la justice, c'est des narcos. Tu fais du pied, t'es bonne, je vais te baiser, même si t'as un raclo. On va t'emporter comme le vent, Niama, t'es super léger. On n'a pas service militaire, Niama, mais on s'est visé. Pas le temps de compter sur les autres, quand ça merde, faut improviser. La force viendra de l'union, j'ai tatoué des points serrés. C'est pas maintenant que je vais décrocher, la balle est dans mon camp, je vais me décrocher. Un monde serait mieux quand je sois dérogé. Qui veut ma peau sur mon bois rocher. Ce qui est fait, donc pas de regret. Rien que ça parle depuis que j'ai changé. Fracken, je vais appeler ton plongé. Je me tape des bords quand j'écoute un projet. Faut que le reste des gros fait d'oseille. On peut faire d'oseille. On peut faire d'oseille. Nord, sud, est, ouest, on a faim d'oseille. Je viens de voir quand j'ai bien visé. Gros stars dans le viseur. C'est des canons pas douceur. Les boumets, faites un zombie au pointeur. Faut que le reste des gros fait d'oseille. On peut faire d'oseille. On peut faire d'oseille. Nord, sud, est, ouest, on a faim d'oseille. Je viens de voir quand j'ai bien visé. Gros stars dans le viseur. C'est des canons pas douceur. Plus en cours, faites un zombie au pointeur. Nord, sud, est, ouest, on peut faire d'oseille. On peut faire d'oseille. On peut faire d'oseille. On peut faire d'oseille. On peut faire d'oseille. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Monsieur Sadek et Brulux. Comme hiver, sa mère. Des terres postées sur terre, Fleury et Nanterre. Ma sœur, c'est ce qui fait pleurer nos mères. On n'a plus rien à perdre, son père. On pleure les frères qu'on enterre. Il paraît qu'on s'échappe, mon frère. J'suis là, j'sais que tu vas rien faire. Eh, hey, tu vas rien faire. Mon frère, y'a du pilon de la BR. Mais pas tourné dans nos affaires. On va vous laisser par terre. J'sais que tu vas rien faire. Mon frère, j'accomplis ma mission sur terre. 762 transperce tes artères. Vous n'êtes pas prêts pour la guerre. Check, tu vas rien faire. Prends ton temps. Parle avec les bafons, ils ont des bons plafonds. Fais tes bons placements. Avec des connexions qui leur glaceraient le sang. Moins de 30 ans, on a déjà des rides. Mon père m'a dit, Wildi, Alay, Edik. Les habits nickni, bah j'te retrouve le beat. N'chadou, men j'arrou, n'dakhlou, fil hit. La qualité de mon shit est indiscutable. Nouveau, mais personne ne va me bisuter. Déterminé, clair et ingérable. Voilà quelques mots pour nous résumer. Confond pas le chiffre d'affaires et le bénéfice. Les petits ne respectent que ceux qui les nourrissent. Un jour, ils vont se venger, fais gaffe à tes fesses. Si tu surveilles, ils t'enverront chercher des cheese. Bah alors, rouillard. On tire la gueule, on prend pas dans ses bras. T'es assez sur place, on est passé devant toi. Bah alors Roya, tu tires la gueule, tu me prends pas dans tes bras. J'serais en fauteuil roulant, fils de pute si j'marchais dans tes bras. T'es comme hiver, sa mère. Des terres postées sur terre-terre, plus rien en terre. Ma sœur, c'est ce qui fait pleurer nos mères. On a plus rien à perdre, son père. On pleure les frères qu'on enterre, il paraît qu'on s'est cher. Mon frère, je suis là, je sais que tu vas rien faire, hey, tu vas rien faire. Mon frère, y'a du pilon de la BR, mais pas ton nez dans nos affaires. On va vous laisser par terre, je sais que tu vas rien faire. Mon frère, j'accomplis ma mission sur terre, 762 transperce tes artères. Vous n'êtes pas prêts pour la guerre, je sais que tu vas rien les faire. Les enfants parler, ils vont rien faire. Moi c'est brûlé, on va niquer ta mère. J'appelle Sadek, on se barre en Thaïlande. Envie d'Orzen, la conduite est allemande. En 2004, j'ai tourné au D5. Passe dans le 9 que je vais te présenter mes zincs. Je te baisse comme un singe, j'abolis le racisme. Je suis comme Bazuchiro, je prends toujours des risques. Deux kills sous le siège, coupe dans la poche. Mon amour pour Liège, c'est une Kalachnikov. Niquer de la grammaire, je baisse des apostrophes. Mon prof principal, moi c'est Yuri Orlov. Tous mes désirs, j'ai accompli. Vas-y, branle-toi sur ta belle-mère. Blessé, je ressors de son prix. Poto, j'ai besoin d'une infirmière. Et tu vas rien faire, mon frère. Tu vas juste sucer pour un terre. T'excuser comme une caisse, ça on t'a déjà vu faire. Si tu payes, on fait un terre. Sinon, va niquer ta mère et elle sert. C'est comme une sa mère. Des terres postées sur terre-terre, plus rien en terre. Ma sœur, c'est ce qui fait pleurer nos mères. On n'a plus rien à perdre, son père. Pleure les frères qu'on enterre, il paraît qu'on s'est cher. Mon frère, j'suis là, j'sais que tu vas rien faire, hey, tu vas rien faire. Mon frère, y'a du pilon de la BR, mais pas ton nez dans nos affaires. On va vous laisser par terre, j'sais que tu vas rien faire. Mon frère, j'accomplis ma mission sur terre, 762 transperce tes artères. Vous n'êtes pas prêts pour la guerre, j'sais que tu vas rien faire. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Kylie. Le retour de Kylie. Le vœu musical de la qualité. Ok, tiki tiki bar, tiki tiki gus, flow qui se démarque de tous tes petits culs. J'suis comme le dollar, pouvoir absolu. J'kick, profite mon art, plane comme un Airbus. Sortez les verres et la taille qu'on se salue. Comme Otéliama, moi je n'ai pas de nu. J'aime trop la détente, j'me barre au soleil. Lunettes, Gucci, sur, préviens tes collègues. Tête loin de tous nos soucis. Récolte ta tête et nous y'a parasite. J'ai dans mes yeux, mate la vue, c'est magique. Les classes sont les fringues, fringues, fringues. Cocktail mojito, on trinque, trinque, trinque. Ibiza, Marbella, simple, simple, simple. À son balai, on rend dingue, dingue, dingue. Ok, bronzé, tête sous l'eau. Au bord de la mer, entouré de mes photos. Souris et photos, on est trop beau. Officiel Kylie, on se follow. Égaré loin de tout triste. Plein de rêves en tête, fin de je réalise. Phuket, Punta Cana, Tahiti. Rien de là où rien n'est inaccessible. De t'échapper, le venin musical t'attends pour embarquer. T'as pas tes papiers, nos problèmes. Mon son, ferme les yeux, laisse-toi aller. Fringue, fringue, fringue. Comme quel mojito, on trinque, trinque, trinque. Ibiza, Marbella, simple, simple, simple. À son balai, on rend dingue, dingue, dingue. Ok, faut pas nous chauffer, sentir en colère. Inépuissable, au coucher du soleil. Le monde de style, le style ne s'achète pas. Une icône de bord, improviste, on ne lâche pas. C'est pour les beautés, les folles de quartier, les BG, les tables, les chicots éclatés. Kylie DJ, ça me fait tout péter. À vos marques, bref, snapper. Laissez-moi prendre l'argent qui. Dis-moi que son fait tourner le disque. Tous les bras en l'air d'elle.

On brasse les loges, on gifle l'orga. Out in the street. Murder. J'irai danser sur leur tombe, Bobby Shmurda. Bête et méchant, sec et plaisant. Carbachian, plus t'es fraîche, plus je suis méfiant. Mon amboka, Kuluna, Jester and Gentleman, Nazakuna. 60 paires de catch, c'est mon actu. De quoi finir sous des semelles à la Black Brut. Ils veulent le lion qui sort de la cage, gros. Dans ce cas, j'y vais cash, gros. Il a tenté la queue, Nel, en m'appelant mon frère. Il va en faire les frais, on les frais, on l'enterre. Il m'a pris pour une de ces salopes du rap game. Essayez de me la mettre par devant, par derrière. Je vois qu'il me doit du bif. Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Je vois qu'il me doit du bif. Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Je vois qu'il me doit du bif. Si jamais il t'entend pas, crie encore. L'oseille ne rentre pas, vas-y bise encore. Ils crient la mort du rap, ils sont en prise encore. Ils sont pas morts, vas-y tire encore. Sur la vie de ma mère, je vais leur dire encore. Criminel, rien que j'en plie encore. Je vais péter les plombs, rien que je tise encore. Ma génération, je suis le king encore. Il a tenté la queue, Nel, en m'appelant mon frère. Il va en faire les frais, on les frais, on l'enterre. Il m'a pris pour une de ces salopes du rap game. Essayez de me la mettre par devant, par derrière. Je vois qu'il me doit du bif. Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Je vois qu'il me doit du bif. Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Il est où cet enculé? Je vois qu'il me doit du bif. Et c'est la fin de la nocturne 100% rap français avec Monsieur Espy, extrait de son album qui sortira à la rentrée, Jester and Gentleman à l'instant. Prochaine nocturne dans une semaine. Loupez pas aussi Black M qui débarque dès lundi dans Planète Rap entre 20 et 21. Passez une bonne nuit, Fabuleux est là pour vous ambiancer. Yes, comme d'hab, on est chaud, c'est parti. Yes. Ciao, bon week-end tout le monde. Paris. Et allez Paris, yes. Paris est magique. Jamais 203 les gars. Ciao. Du rap et du R&B non-stop. Skyrock. Rap et R&B non-stop.